n'oublie pas, tu ne seras jamais pour moi qu'une jolie créature perdue dans la nature, aimant un peu, beaucoup trop, pas assez ou pas du tout. Je suis là pour je ne sais qui, pour je ne sais quoi. Tu m'as pris pour je ne sais quoi, pour je ne sais qui. Et moi, je ne sais ce qui m'a pris, ce qui m'a pris de venir ici. Adieu, créature. Je m'en vais dans la nature. Et ne m'en veuille pas, une de ces nuits on se reverra. Adieu, créature. Adieu, créature. On se reverra quelque part dans la nature. Bonjour à tous et à toutes, vous les auditeurs et les auditrices de RQC. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que la matinée de ce mardi 28 novembre a bien commencé pour vous. Alors vous êtes comme chaque semaine en compagnie de René Michel. Michel qui vous propose comme tous les mardis matins à 9h son émission. Une émission qui s'appelle Patchwork. Si vous le voulez bien, nous allons passer 2h30 qui viennent ensemble en écoutant donc des chansons datant aussi bien des années 50 ou même d'avant que des années 60, 70, 80, 90 et 2000. Alors il y aura au moins 5 séquences dans l'émission. Des séquences pendant lesquelles je vous passerai chronologiquement des chansons issues des six périodes. Donc, comme j'ai cité les six périodes, hein, 50, 60, 70, 80, 90 et 2000. Peut-être qu'il y aura aussi une sixième séquence, ça dépendra de la longueur des chansons que je vais vous diffuser. Mais assez bavardé comme ça, je vais faire mienne la devise du président Roscoe. En Angleterre, c'était le The Emperor Roscoe. Un minimum de blabla et un maximum de musique. Mais moi, rassurez-vous, je ne marche pas sur l'eau comme Roscoe disait pouvoir le faire alors qu'il était animateur radio dans les années 60, notamment sur RTL. Et on commence donc l'émission sans plus tarder avec un titre datant des années 50. C'est une très grande dame de la chanson qui va nous l'interpréter. ce titre puisqu'il s'agit d'Ella Fitzgerald, Ella qui fut très vite surnommée « The First Lady of Song », la première dame de la chanson. Ella Fitzgerald était une chanteuse de jazz américaine dont la voix pure avait, elle couvrait 3 octaves. Elle était en outre très capable d'improviser lors de ses prestations en public. Elle est morte en 1996 à l'âge de 79 ans, rongée par le diabète, presque aveugle et amputée des deux jambes. Aujourd'hui, elle nous interprète un titre de Cole Porter. La chanson date de 1956 et elle s'intitule « I Love Paris ». Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh why do I love Eh oui, elle l'a, hein, comme le faisait chanter Michel Berger à France Gall en 1987. Il parlait évidemment du feeling de la chanteuse. Hein. C'était bien sûr à l'instant la grande Ella Fitzgerald en 56, il y a plus de 60 ans de cela. Et on passe sans transition aux années 60 avec Serge Gainsbourg. Gainsbourg qui nous a quittés à même pas 63 ans, en 91, et qui nous manque beaucoup. Serge n'était pas qu'un chanteur, auteur-compositeur, il avait aussi été un très bon peintre durant sa jeunesse. Malheureusement, il avait brûlé absolument tous ses tableaux dans une période de désespoir. Hein. Et c'était aussi un metteur en scène de cinéma apprécié et un écrivain talentueux à ses heures. Hein. Gainsbourg disait à Denise Glaser dans les années 60, quand il s'était converti à la pop et qu'il écrivait pour les chanteurs yéyé, je le cite, hein, « J'ai retourné ma veste quand je me suis aperçu qu'elle était doublée de visons. » Paradoxalement, Gainsbourg est peu connu à l'étranger. À l'extérieur donc du monde francophone, sa notoriété se limite aux vrais professionnels de la musique. Hein. Initial Bibi est le 8e album de Serge. Le titre phare éponyme est bien sûr dédié à celle qui fut sa compagne durant quelques mois, Brigitte Bardot, évidemment. Comme il le fait souvent, Gainsbourg a piqué la mélodie à un musicien classique. Ici, c'est à Anton Dvorak qu'il a prise. En l'occurrence, Anton Dvorak, à qui il a emprunté l'un des thèmes musicaux de sa symphonie du Nouveau Monde. Voici donc Initial Bibi, un titre datant de 1968. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusques en haut des cuisses, elle est bottée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Initial, be initial, be initial.

cent fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. Le recours est déjà, le café va fermer. Viens, oui, viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non, non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non, non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin d'un bain d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau enfin, si c'est possible. Si tu en as envie, si tu es disponible, si tu n'as rien oublié, comme moi qui n'ai rien oublié. Depuis la séparation du groupe Aphrodite Childs en 71, Demis Roussos a poursuivi la brillante carrière en solo que l'on sait. Hein. Il a ainsi vendu plus de 60 millions de disques pendant toute sa carrière, car il avait du succès dans toute l'Europe et notamment en Allemagne, où il était devenu une véritable star. Demis nous a quitté à 68 ans en janvier 2015, des suites d'un cancer généralisé, et il repose désormais dans le plus grand cimetière d'Athènes, en Grèce, son pays d'origine. Aujourd'hui, c'est une chanson datant de 1989 que je vous propose d'écouter. Cette chanson, dont la musique est signée de l'italien Romano Musumara, s'intitule « On écrit sur les murs ». Et on l'a beaucoup entendu, cette chanson, cette année, avec la reprise qu'en ont faite les enfants de Kids United. Personnellement, je préfère de loin la version originale de 89. Hein, la voici de rien que pour vous sur RQC. Et je vous laisse donc pour 3 minutes 30 en compagnie du regretté Demis Roussos. Et on passe maintenant aux années 90 avec la chanteuse américano-israélienne Noah. Noah, dont nous avons déjà entendu le plus grand succès, une chanson intitulée I Don't Know, il y a deux semaines de cela dans Patchwork. Je vous avais alors déjà tout dit ce que je savais sur Noah et sa carrière, et je vais pas donc recommencer aujourd'hui. Hein. Je vous propose d'écouter l'autre très grand succès de la talentueuse Noah. Il s'agit de Babel, une très jolie chanson dont elle a écrit la musique. Les paroles qu'elle chante, tantôt en français, tantôt en anglais, tantôt en hébreu, sont de Gilles Dor, un musicien arrangeur israélien qui s'est longtemps occupé de la carrière de Noah. Voici donc Babel en plusieurs langues. C'est normal, hein, pensez à la tour de Babel. Pardon me for babbling, comme des milliers de mots. Pardon me for babbling, qui t'envoie des signaux. 100 000 mots blottis au fond de mon cœur. Tout là-haut dans les étoiles, pour oublier tes peurs. Tout c'est au fond de mes pensées, depuis que je t'attends. Mes mots sont bouleversés, je sens comme des torrents de paroles, de rires, de symphonies, de chansons. Et ces mélodies murmurent des battements, les battements de mon cœur. Mili, mili, mili, kama mili. Je vois comme une éclipse, tu soulèves des ouragans de tendresse, de délice. Pour le dire, j'ai tous les mots de la terre, toutes les langues, toutes les couleurs et la lumière d'une infinie prière. Mili, mili, mili, kama mili. L'actrice Sandrine Kiberlin a déjà 49 ans, comme le temps passe vite. Hein. Et elle est d'origine juive polonaise par ses quatre grands-parents qui se sont installés à Paris en 1933. En 2005, Sandrine Kiberlin enregistre sous la houlette d'Alain Souchon et de son fils Pierre Souchon un premier album assez réussi qui s'intitule « Manquez plus que ça ». Elle en signe absolument toutes les paroles, la musique étant composée tantôt par Pierre, tantôt par Alain Souchon. Sandrine Kiberlin sortira encore un album en 2007, coupé, bien net, bien carré, ça s'appelle. Mais le succès reste très confidentiel et elle se consacre maintenant uniquement à sa carrière d'actrice de cinéma. Voici donc « Manquait plus que ça », la chanson éponyme du premier album, celui de 2005, paroles de Sandrine Kiberlin, musique d'Alain Souchon. Elle fait sa Carla, elle fait sa Vanessa, manquait plus que ça. Et on en revient dans les années 50, comme le fait le principe de cette émission, avec Frank Sinatra. Frank Sinatra qui est mort en 1998 à l'âge de 82 ans. Son père et sa mère étaient d'origine sicilienne et Frank gardera pendant toute sa carrière des contacts assez étroits avec la communauté sicilienne et même avec la mafia, paraît-il. Sinatra est un crooner de réputation mondiale à tel point qu'on l'a surnommé The Voice, en français La Voix. Hein. Il a commencé à avoir du succès comme chanteur en 1943 et en 1953 il obtient aussi l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour sa prestation d'acteur dans le film de Fred Zinnemann « Tant qu'il y aura des hommes ». Un film de guerre qui évoque la vie des soldats américains à Pearl Harbor avant l'attaque japonaise et dans lequel jouaient aussi Burt Lancaster et Montgomery Clift. Sinatra était aussi un grand ami de John Fitzgerald Kennedy, qui est assassiné dans les années 60, bien sûr, comme on le sait. Hein. C'est de cette période des 60s que date deux de ses plus grands succès, Stranger in the Night en 1964 et My Way, l'adaptation anglaise de Comme d'habitude de Claude François en 1969. Aujourd'hui, c'est une chanson plus ancienne que nous allons écouter. Il s'agit de Brasil, un titre que Sinatra avait enregistré en 1958. Brazil, where hearts were entertaining June, we stood beneath an amber moon and softly murmured someday soon we kissed and clung together. Then tomorrow was another day. The morning found me miles away, with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing I'm certain of: return I will to old Brazil. Another day, the morning found me miles away, with still a million things to say. Now, when twilight dims the sky above, recalling thrills of our love, there's one thing that I'm certain of: return I will to old Brazil, that old Brazil, man, it's old. Et on passe maintenant aux années 60 avec Hugo Frey. Hugo Frey qui a connu le succès assez tardivement puisqu'il avait déjà 35 ans quand il a enregistré son célébrissime Santiano en 64. En 2017, l'inusable Hugo Frey continue à 88 ans à donner des concerts à travers toute la France. Et aujourd'hui, c'est une chanson extraite de son célèbre album Au Frey chante Dylan, sorti en 65, que je vais vous proposer d'écouter. Donc, avec Hugo Frey a beaucoup fait pour populariser en France les chansons de son ami Bob. Il avait demandé en 65 au célèbre parolier Pierre Delanoë d'adapter 12 des titres de Dylan qu'il aimait le plus. Et Delanoë a plus ou moins bien réussi à traduire l'univers de Bob Dylan, avec cependant la folie et la poésie en moins, je trouve. Je laisse en juger en écoutant son adaptation de The Lonesome Death of Hattie Carroll, la mort solitaire de Hattie Carroll en français. William Munsinger a tué Hattie Carroll. Il l'a tué sans raison d'un coup de canne en or au cours d'une soirée donnée à Baltimore. La police appelée des armes à l'assassin. Il fut accompagné jusqu'au poste voisin, inculpé d'homicide et gardé en prison. Vous qui philosophez tout le temps et critiquez les gens, ne sortez pas votre mouchoir, vous pleurerez plus tard. William Munsinger, qui avait 24 ans, possédait une ferme de près de 1000 hectares. Il était protégé par de riches parents, des relations puissantes et des murs de dollars. Il haussa les épaules, poussa quelques jurons. Il fut presque aussitôt libéré sous caution. Vous qui philosophez tout le temps et critiquer les gens. Ne sortez pas votre mouchoir, vous pleurerez plus tard. Attie Carole était domestique de couleur, elle avait 50 ans et 10 enfants mineurs. Elle vidait les ordures et apportait les plats. Elle s'approchait des tables mais ne s'asseyait pas, n'osait pas adresser la parole au patron. Vidait les cendriers, balayait le salon. Elle fut tuée sur le coup, pauvre fille de misère, elle qui n'avait rien fait à William Munsinger. Vous qui philosophez tout le temps et critiquez les gens, ne sortez pas votre mouchoir, vous pleurerez plus tard. Au temple de justice, le juge prit son temps pour étudier l'affaire très attentivement. Il dit qu'un citoyen pris en flagrant délit, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, devait être puni, et que la loi ne fait aucune distinction et frappe sans faiblesse ce qui tue sans raison. Attendu ses motifs, le juge d'un ton sévère donne à 6 mois de prison à William Munsinger. Vous qui philosophez tout le temps et critiquez les gens, vous pouvez sortir vos mouchoirs, c'est le moment de pleurer. C'était donc The Lonesome Death of Attie Carole de Bob Dylan, traduite en français un peu maladroitement par Pierre Delanoë et interprétée par Hugo Frey, une chanson évoquant l'inégalité terrible qui existait entre noirs et blancs dans les États-Unis au début des années 60. Hein. Et on passe maintenant aux années 70 avec Marie-Paule Bell. Marie-Paule Bell qui a aujourd'hui 71 ans. Son père était médecin dans l'Oise et sa mère, qui était d'origine corse, femme au foyer. Une femme qui avait été musicienne concertiste dans sa jeunesse, mais dont la carrière avait été contrariée par son mariage. Elle met donc très tôt la petite Marie-Paule au piano, et elle suivra des cours pendant plus de 11 ans, la petite. Mais c'est la chanson de variété qui l'intéresse, et après avoir pas mal galéré, elle connaît enfin le succès à 30 ans, avec sa célèbre Parisienne en 76. Depuis 2001, Marie-Paule Bell est très connue pour interpréter en concert avec beaucoup de talent les chansons de Barbara. Un an après la Parisienne, en 77, elle sort une chanson beaucoup plus sérieuse car elle a beaucoup de cordes à son arc, Marie-Paule. Hein. Cette chanson, c'est quand nous serons amis, une chanson que je vous propose d'écouter là tout de suite sur RQC. Quand nous partirons en week-end pour Deauville ou pour Saint-Tropez, ce sera sans nous disputer. Oui, ce sera sans nous disputer. Nous nous rejoindrons le matin, moi sans rimel, toi par hasard, et nous nous sentirons très bien. Oui, et nous nous sentirons très bien. Quand tout ira bien, achetant des livres sur les quais, politiques ou policiers, ce sera sans nous disputer. Oui, ce sera sans nous disputer. Nous nous quitterons dans un bar. Moi couche tôt, toi traîne tard. Et nous dirons quelle bonne soirée. Oui, et nous dirons quelle bonne soirée. Quand tout ira bien, quand nous serons amis, sans plus de mensonges, sans plus de jalousie, sans plus de colère, sans plus de mystère, notre amour sera fini. Nous nous rencontrerons parfois, accompagnés comme il se doit. Ce sera sans nous saluer, oui, ce sera sans nous saluer. Mais de loin au même restaurant, nous sourirons discrètement. Nous serons complices un moment, oui, nous serons complices un moment. Quand tout ira bien, RQC 95 FM. La chanteuse italienne Gianna Nannini est la sœur aînée de l'ex-pilote de Formule 1 Alessandro Nannini. Alessandro Nannini, dont la carrière a été brisée alors qu'il avait que 31 ans à cause d'un terrible accident d'hélicoptère survenu donc en 1990, un accident à la suite duquel il a eu le bras droit sectionné par le rotor de l'appareil. Pour en revenir à sa grande sœur, Gianna, elle a connu le succès en 88 alors qu'elle avait déjà 32 ans, avec la célèbre chanson « I maschi », en français « Les masques ». Ensuite, elle a fait une belle carrière, surtout en Italie, une carrière qui se poursuit toujours là-bas en 2017. À noter que Gianna Nannini a fait la une des journaux à scandale italien en faisant un bébé à l'âge de 54 ans, grâce aux méthodes très contestables des docteurs Mabuse de son pays. Hein. Assez papoté comme ça. Voici donc I maschi qui s'est classé en France numéro 2 des ventes des singles en 1988. Tu, quell'espressione malinconica, quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Milo nelle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte quasi amore. Vetrine dietro ai giubbotti. ogni carezza della notte è quasi amor. Tu sotto la giacca cosa avrai di più? Quando fa sera il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi disegnati sui metro François Feldman est né en 1958 d'un père russe et d'une mère belge. Ses débuts ont, comme pour beaucoup d'artistes, été assez difficiles de 1980 à 1985. Cela explique peut-être qu'à même pas 60 ans, il fasse beaucoup plus vieux que son âge en 2017. Il n'a que 59 ans, il en paraît facilement 10 de plus. Peu à peu, le succès vient quand même et en 1989, il triomphe avec les fameuses valses de Vienne. Une chanson qui sera numéro 1 en France pendant plus de 6 semaines consécutives. Mais le succès de François Feldman demeure assez éphémère. Son dernier album à succès date de 1992 et dans cet album on peut trouver cette jolie chanson dédiée à son petit bébé, une fille qui se prénomme Joy. Joy, c'est aussi le titre de la chanson. Je vous laisse pour 4 minutes en compagnie de François Feldman et de Joy. Y a pas plus vanille. L'amour qui pétille. Elle me déshabille. De ses yeux qui brillent. Parfum de vanille. Mon sang, ma famille. Y'a pas plus gentil. Cette petite fille. Et on en revient maintenant aux années 50 avec, comme le veut le concept de cette émission, qui ne s'appelle pas Patchwork pour rien. Hein. Je vous propose d'écouter une chanson qu'avait composée Paroles et Musique Francis Lemarque en 52. Cette chanson, c'est Quand un soldat, et il l'avait écrite pour Yves Montand, qui l'interprétera en 53. Elle sera immédiatement censurée, car la France était alors en pleine guerre d'Indochine, et les paroles de Francis Lemarque avaient été jugées subversives et défaitistes en haut lieu. Voici donc Quand un soldat, dans la version qu'on avait enregistrée Francis Lemarque lui-même. Francis Lemarque, qui nous a quittés en 2002 à l'âge de 84 ans et qui repose désormais au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guérilla, dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu à la guerre. C'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au bac à danser. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine. Et puis voilà. Jacques Brel donc est mort en 78, comme on le sait, à seulement 49 ans. Il était né à Scarbeck, dans une famille catholique finlande. Le petit Jacques est peu intéressé par l'école, à l'exception des cours de français. Hein. En fait, il veut devenir éleveur de poules, cordonnier ou bien chanteur. C'est un musicien entièrement autodidacte, mais son père voit d'un très mauvais œil l'ambition artistique de son fils. Et donc en 1950, à 19 ans, Jacques Brel épouse Thérèse Michelsen, qu'il appellera toujours Mich, et à qui il restera marié toute sa vie. Il travaille depuis 3 ans déjà à la cartonnerie familiale au moment de son mariage, et il y passera encore en tout au service commercial 3 ans de plus, 4 ans de plus je crois. Il ne s'y sent absolument pas à sa place, comme vous pouvez le penser. Hein. Il dira de cette période de sa vie, je le cite, « mon père m'avait cartonné ». En 1953, il quitte tout pour monter à Paris et il est vite repéré par Jacques Cadetti. Et pendant 2 ans, il mange de la vache enragée, c'est-à-dire il a beaucoup de peine à émerger. En 1955, il sort son premier rond de 3 tours sans succès. Et c'est l'année suivante, en 1956, avec la chanson « Quand on n'a que l'amour » qu'il connaîtra son premier succès et que sa carrière sera enfin véritablement lancée. Jacques Brel a vendu près de 25 millions d'albums à l'international. Et après ses adieux au tour de chant, en 66, il deviendra un acteur de talent et s'essaiera aussi sans succès à la réalisation de films de cinéma. Il a tourné France avec Barbara et Far West dans les années 70, tous les deux des gros échecs commerciaux. Hein. Aujourd'hui, c'est une chanson datant de 64 que je vous propose d'écouter. C'est le célèbre Jeff, une chanson qui évoque une valeur très importante pour Jacques Brel, l'amitié. Alors, où est Jeff? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas écrit, donc c'est bien embêtant. Numéro 1, donc ça va être ici. Voilà. Pas vraiment, non. Ici, donc. Oui, excusez-moi. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fausse blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Et tu sais que tu me fais honte à sangloter comme ça bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts putain t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais tu fais honte à voir. Les gens se peignent notre tête. Foutons le camp de ce trottoir. Viens, j'ai viens, viens, viens, viens. Il me reste 3 sous, on va aller se les boire chez la mère Françoise. Viens, j'ai viens, viens. Il me reste 3 sous, et si c'est pas assez bête, il me restera l'ardoise. Puis on ira manger des moules et puis des frites. Des frites et puis des moules. Et du vin de Moselle. Et si t'es encore triste, on ira voir les filles chez la madame André. Paraît qu'il y en a de nouvelles. On chantera comme avant, on sera bien tous les deux. Comme quand on était jeunes, comme quand c'était le temps que j'avais de l'argent. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête tes grimaces, soulève tes 100 kilos, fais bouger ta carcasse. Je sais que t'as le cœur gros, mais il faut le soulever, Jeff. Non, Jeff, t'es pas tout seul. M'arrête de sangloter, arrête de te répandre. Arrête de répéter que t'es bon à te foutre à l'eau ou que t'es bon à te pendre. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais c'est plus un trottoir, ça devient un cinéma où les gens viennent te voir. Viens, Jeff. Viens, viens, viens. Il me reste ma guitare, je l'allumerai pour toi et on sera espagnol. Viens, viens. Comme quand on était môme, même que j'aimais pas ça, tu imiteras le rossignol. Puis on se trouvera un banc, on parlera de l'Amérique, où c'est qu'on va aller, tu sais. Et si t'es encore triste, ou rien que si t'en as l'air, je te raconterai comment tu deviendras Rockefeller. On sera bien tous les deux, on chantera comme avant, comme quand on était beau, Jeff, comme quand c'était le temps d'avant qu'on soit poivron. Allez, viens, Jeff, viens. Ouais, ouais, Jeff, ouais. Barry White, qui était originaire du Texas, est mort à 59 ans seulement, en 2003. Il avait depuis de nombreuses années de graves problèmes d'hypertension artérielle, ce qui a fini par abîmer ses reins, qui sont devenus défaillants. Il a finalement succombé à toutes ses affections il y a 14 ans de cela, en laissant 8 enfants et 3 femmes. Barry White était bien sûr connu comme chanteur, mais c'était aussi un excellent compositeur et un producteur très avisé. Ainsi, il s'était occupé du trio vocal féminin Love Unlimited. Aujourd'hui, c'est le plus grand tube du regretté Barry White que nous allons écouter. La chanson date de 1974 et il s'agit bien sûr de You're the First, the Last, My Everything. En français, tu es la première, la dernière, tu es tout pour moi. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. You and me, baby. comme j'ai des auditrices qui m'écoutent à Nangy actuellement, il y a quelques minutes, donc on a écouté donc le fameux Jeff de Jacques Brel. Je vous propose maintenant d'écouter l'adaptation plus moderne qu'avait faite Renaud de cette chanson. Et pour cette auditrice spécialement, je vais passer cette adaptation qui figure sur l'album Le Retour de Gérard Lambert, un album sorti en 81 et qui s'intitule, cette chanson s'intitule Manu. Je vous laisse avec Renaud en direct de l'Olympia en 82 avec Manu qui est un peu le Jeff moderne. C'est une chanson qui raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Manu. Manu, rentre chez toi et des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la tôlière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'était surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Elle déconne pas, Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. On était tous maqués quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi ou alors y'a mal donne. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Fait pour vivre en bande, mais surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres, ça fait un bail qu'on m'a largué nos petites. Toi, t'es toujours en rade avec la tienne et tu flippes. Eh Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Eh déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Manu, il faut que tu t'arraches. Elle peut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine dès qu'elle est dans ton pieu, dis-lui que t'es désolé, que t'as dû te bourrer de trottoir. Quand tu l'as rencontré, t'as dû te tromper d'histoire. Ah déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Ah déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, allez, déconne pas Manu. Et à 10h15 sur l'horloge du studio RQC, il est temps pour moi de vous proposer une deuxième séquence cinéma. Et oui, une assez grande partie de ma programmation a souvent un rapport direct ou indirect avec le 7e art. Hein. C'est l'extrait de la bande sonore du film de Ridley Scott intitulé 1492, Christophe Colomb, un film dans lequel Gérard Depardieu nous offrait une extraordinaire prestation dans le rôle titre. Hein. C'est à Vangelis Papathanassiou, plus connu sous son seul prénom de Vangelis, que Ridley Scott avait confié le soin d'en composer la musique. Dans son, depuis son départ du groupe Aphrodite Child en 71, Vangelis se consacre en effet presque exclusivement à la composition de musique de films. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire écouter Conquest of Paradise, le titre le plus connu de la musique du film de Christophe Colomb. Ça date de 1992, juste 500 ans après la découverte de l'Amérique. Tiens, tiens, quel curieux hasard, mais bien sûr, le film était fait exprès. Hein. RQC. Je danse et je blais. Tes sensations. Ta musique. Ta génération. Ta génération. De cette lieu, petit frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. RQC. Jean-Louis Aubert a maintenant 62 ans. Il est né à Nantua et pendant ses jeunes années, c'est un enfant assez difficile que ni son inscription chez les scouts, ni ses prestations comme enfant de chœur ne parviendront à calmer. Hein. Son père, qui était sous-préfet à Senlis, l'oblige quand même à passer son bac, qu'il obtient en 73, à l'âge normal de 18 ans. Mais c'est la musique qui le passionne avant tout, le jeune Jean-Louis. Et en 76, il a alors seulement 21 ans, il fonde le groupe Téléphone, dont vous connaissez le succès, je pense. Hein. Et puis il fait une belle carrière en solo, avant de reformer Téléphone en 2015 avec les membres fondateurs que sont Louis Bertignac et Richard Kolinka, mais sans Corinne Marionneau, que Jean-Louis Aubert considérait comme une emmerdeuse, et qui n'était donc pas la bienvenue chez les Insus. Les Insus, le nouveau nom du groupe. Pourquoi les Insus? Eh bien, tout simplement parce que les Insus portables, téléphone portable, vous saisissez l'astuce. Aujourd'hui, c'est un titre datant de la période solo de Jean-Louis Aubert que je vous propose d'écouter. La chanson en question, c'est « Parle-moi ». Et elle est extraite de l'album « Idéal Standard », un album sorti en 2005. Ça nous apporte. Tout à l'heure, je m'aperçois avec horreur que j'ai oublié à la fin de la deuxième séquence de six chansons, de vous passer la toute mignonne Berry. Berry qui, en 2008, avait enregistré un superbe album intitulé Mademoiselle. Berry qui nous vient du monde du théâtre. Elle a alors tout juste 30 ans et depuis elle a enregistré deux autres albums, des albums qui n'ont jamais réussi à égaler le succès du premier. Hein. On écoute aujourd'hui la chanson éponyme de cet album Mademoiselle, il y a quelques semaines de cela. Vous avez déjà fait écouter le Bonheur, un autre extrait de ce très bel opus. Mais voici donc la chanson éponyme donc de l'album en question de 2008, de et par la jolie Berry. J'étais secret des choses que je sais que je t'ai. Un vieux bubblegum qui colle soulier comme un homme. Mademoiselle, j'étais regret des trucs pas très chics que j'ai fait. Une odeur de rhum. La peau comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Mademoiselle, j'étais frisson. C'est Wesson qui colle à la tête comme un homme. Mademoiselle, j'ai mes raisons. Une foule de questions. Winston qui colle aux lèvres comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Besoin d'infos, envie de retrouver un titre diffusé, découvrir nos playlists? N'hésitez pas à nous dire bonjour. Pour nous contacter, bonjour@rqc.be. L'an prochain, cela ferait déjà 55 ans qu'Edith Piaf nous a quittés à l'âge de 47 ans seulement, usée par de nombreux excès en tout genre. Hein. En 57, lors d'une tournée qu'elle fait en Amérique du Sud, elle est conquise par une chanson péruvienne qu'elle entend là-bas. Et elle demande à Michel Rivegauche de lui écrire des paroles françaises convenant à cette musique qui l'a séduite. Cette valse péruvienne sortie en 1936 devient alors La Foule, une chanson qui connaîtra un succès très durable et qui sera reprise maintes fois par d'autres artistes. Je vous propose de l'écouter, là, sans plus tarder, cette chanson. La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. éperdu parmi ces gens qui me bousculent. Étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient là. Arrachée d'entre mes bras, emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Les Chaussettes Noires se sont fondées sous le nom des 5 Rocks en 59 à Créteil. Dès ses débuts professionnels en 61, le groupe est rebaptisé les Chaussettes Noires à leur insu par Eddie Barclay, qui a passé un contrat de sponsoring avec les Chaussettes Stem de Roubaix. Eddie Mitchell quittera les Chaussettes en 63, pour mener la brillante carrière que l'on sait en solo, hein. Le groupe sans Eddie Mitchell dure encore un an, puis il sera dissous au terme de son contrat avec Barclay, hein. Avec Johnny Hallyday et les Chats Sauvages de Dick Rivers, hein, ils ont popularisé le rock dans l'Hexagone et aussi en Belgique. À propos, je dois faire un amende honorable. La semaine dernière, j'avais attribué la version française de What I Say de Ray Charles aux Chaussettes Noires, alors que c'est bien sûr Dick Rivers et les Chats Sauvages qui avaient chanté « Est-ce que tu le sais ?» Honte sur moi d'avoir confondu les deux groupes rivaux, hein. En 61, donc, sur le Super 45 Tours, 4 titres, Tu parles trop, figurait aussi cette chanson intitulée Daniela. Daniela, qui, contrairement aux autres chansons du disque, est 100% française, puisqu'elle est signée pour les paroles d'André Pascal et pour la musique de Georges Garvarentz, le compositeur favori de Charles Aznavour. Tu n'as pas 20 ans, tu n'es plus une enfant.

un jour que tu m'aimes. Ne le considère pas comme un problème. Et cours, et cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine. Car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Et on change maintenant carrément de genre musical en passant aux années 80. En 83, la jeune allemande Nena sort un tube mondial, ce qui est pour une chanson allemande assez rare. Il s'agit de 99 Luftballon, l'histoire de 99 ballons de baudruche lancés pacifiquement dans le ciel et qui sont pris par les autorités pour une attaque militaire venue de Russie, de l'Est. Et qui provoque une riposte qui entraîne, ironie du sort, une guerre mondiale. Ce sera le seul tube international de Nena. Nena, qui a 57 ans, demeure extrêmement populaire en Allemagne. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht? Das sowas von sowas kommt. Prinzen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Alain Bachung est mort en 2009, à 61 ans seulement, victime d'un cancer du poumon. Il était né en 1948 d'une mère bretonne et d'un père algérien d'origine kabyle. Un père qu'il n'a d'ailleurs jamais connu, car sa mère s'est ensuite mariée à un Alsacien qui lui a donné son nom, Bachung. Il connaît des débuts assez difficiles, avant de rencontrer le succès au début des années 80, alors qu'il allait déjà sur ses 35 ans. Auparavant, il avait joué le rôle de Robespierre dans l'opéra rock de la Révolution française de Claude-Michel Schoenberg, alors qu'il avait que 25 ans, en 73. Aujourd'hui, c'est le titre éponyme de son album « Osez, Joséphine » que nous allons écouter. Un album qui date de 91. Le titre de cet album vient du prénom de la fille de son batteur qui se prénommait Joséphine et qui était très très très très timide. Bachung la faisait souvent marcher en lui disant « Ah, si José et Joséphine !» À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de ce néant à qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Usez les souliers, usez les uriers, soyez ma muse. Et que ne durent que les moments doux, durent que les moments doux. Et que ne durent. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Osez, osez. Osez, osez, Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Charlotte Gainsbourg a déjà 46 ans, elle vient de sortir un tout nouvel album en français pour une fois, un album dont elle a écrit tous les textes, elle s'y confie comme elle ne l'avait jamais fait auparavant et cela avec beaucoup de talent. Charlotte est née à Londres en 71, elle est bien sûr la fille de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg. Très tôt, elle est poussée vers la chanson par son père et vers le cinéma par sa mère, qui l'envoie faire des castings. À l'âge de 13 ans, elle décroche son premier rôle dans le film « Paroles et musique » d'Eli Chouraki. Puis à 14 ans, elle crève l'écran dans le rôle titre dans « Les Frontées » de Claude Miller, un film pour lequel elle obtient à 15 ans le César du meilleur espoir féminin, devant son père ému aux larmes. Depuis, Charlotte mène une carrière très réussie avec le petit voleur de Claude Miller, toujours à 17 ans. Ma femme est une actrice, son mari Yvan Attal à 30 ans. Puis viendra sa période Lars von Trier, une période assez sulfureuse, vu la personnalité du réalisateur danois. À 38 ans dans Antichrist et à 42 ans dans Nymphomaniac de Lars von Trier, elle crée le scandale à cause du caractère très sexuel de ces deux films de Lars von Trier. Ensuite, il y a une période plus apaisée avec le film Samba, avec Omar Sy, un film d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, où elle joue le premier rôle de féminin, en 2014, à 43 ans. Sur le plan musical, elle n'a que 13 ans, en 84, quand elle enregistre avec son père le sulfureux Lemon Incest. Puis en 86, elle enregistre à 15 ans, sous la direction de Serge Gainsbourg, l'album Charlotte Forever, qui est bien sûr accueilli par la critique avec beaucoup d'éloges, avec des titres en français comme « Élastique ». Seulement 20 ans plus tard, en 2006, elle sort son deuxième album, « 555 », qu'elle tient enregistré en anglais pour, dit-elle, se différencier de ses illustres parents, qui chantent en français généralement. La musique en est signée du talentueux duo des musiciens français R, R écrit A-I-R. Et je vous propose d'écouter un extrait de ce très bel album. La chanson que j'ai choisie pour vous, c'est « The Songs That We Sing ». Vraiment ça, je suis en train de remettre Bachung, excusez-moi. C'est des trois, voilà. She screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you're singing them to? People like you. $100 bills. If the cold doesn't kill her, none will. I read a magazine that said by 17 your life was at an end. I'm dead and I'm perfectly content. And these songs that I sing, do they mean anything to the people I'm singing them to? Et à 10h57 sur l'horloge du studio de RQC, il est temps pour moi de vous présenter ma petite séquence hebdomadaire de musique classique. Cette séquence sera aujourd'hui courte, étant donné la longueur des chansons que je vous ai déjà fait écouter. Si je vais arriver au bout de ce que j'ai prévu de vous diffuser aujourd'hui, je suis obligé de vous passer une pièce musicale qui dure à peine 2 minutes. Il s'agit de la célèbre Minutewahl Waltz de Frédéric Chopin, appelée plus savamment l'opus 84 en ré bémol. Il s'agit d'une des nombreuses valses que Chopin avait composées pour le piano. Ce grand musicien polonais avait quitté son pays natal en 1830, l'année de ses 20 ans, pour venir s'installer en France, où il devait mourir 19 ans plus tard, à l'âge de 39 ans seulement. Entre 32 et 35, 1832-1835, entre ses 22 et ses 25 ans, Chopin avait composé ce qu'on appelle communément ses valses brillantes. En fait, il ne réécrivait là que bon nombre d'œuvres qu'il avait déjà écrites en Pologne, alors qu'il était beaucoup plus jeune encore. Quelle précocité chez ce grand artiste. Aujourd'hui, on écoute donc cette minute valse qui en fait 1 minute 52. Au piano, c'est Adolf Drescher qui officie. Et sans transition, on en vient aux années 60 avec Nancy Holloway. Nancy Holloway est née Nancy Brown. Nancy Holloway est née à Cleveland aux États-Unis et elle aura bientôt 85 ans déjà. Elle débute comme danseuse, mais lors d'une tournée en France, elle se fait remarquer à Paris comme chanteuse et s'y établit définitivement en 1960. Le grand tube Don't Make Me Over de Dionne Warwick, qu'elle adapte en français en 63 sous le titre T'en vas pas comme ça, lui assurait une belle notoriété à l'époque des yéyés. Elle a déjà 31 ans à l'époque. En 2006-2007, après 75 ans, elle remonte sur scène pour la célèbre tournée Achetant les têtes de bois, où elle remporte un joli succès. Voici donc T'en vas pas comme ça par Nancy Holloway. Pas comme ça, sans me donner la moindre chance. T'en vas pas comme ça, en ignorant mon existence. Tu ne peux pas me quitter sans m'écouter, car il n'y a rien de vrai dans ce que l'on t'a dit. Je t'en supplie, t'en vas pas comme ça. À chaque instant, chaque seconde, tu étais pour moi le seul amour, le seul au monde. Pour tout t'ai juré fidélité, je ne t'ai jamais trahi. Un seul jour de ma vie, je t'en supplie. T'en vas pas comme ça. Comme ça, t'en vas pas comme ça, car je sais bien que tu m'aimeras toujours. Nicolas Perrac, qui a aujourd'hui 68 ans, a passé son enfance près de Rennes. Ses parents ayant divorcé, il passe un an à New York avec sa mère avant de retourner chez son père en Bretagne. Comme il est le fils de deux médecins, il poursuit lui aussi pendant 6 ans ses études musicales, mais sa grande passion, c'est plutôt la photo, l'écriture et aussi la guitare. Il écrit d'abord des chansons pour Marie Laforêt et Gérard Lenormand, puis il compose pour lui-même, cette fois-ci en avril 1975, So Far Away From L.A., et puis Et mon père, la même année, en novembre 1975. S'en suivent quelques années où il a beaucoup de succès, et puis sa notoriété diminue, après des passages remarqués à l'Olympia en 1979 et à Bobino en 1981. Après, il tombe dans une profonde dépression, consécutivement à la mort de sa mère et aussi à des difficultés personnelles. Il quitte Paris en 93 pour la Californie, puis pour le Canada, où il réside à Montréal jusqu'en 2008. Il écrit 3 romans durant cette période. Nicolas Perrac souffre depuis 2013 d'une leucémie, une leucémie qui le contraint à limiter un peu ses activités. Je vous propose d'écouter la chanson qui a lancé sa carrière, So Far Away From L.A. Ça date de 75. Quelques lueurs d'aéroport, d'étrange fille aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz, traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, am no one but a shadow, but a shadow, a shadow. S'en souvient ici, c'est l'hiver à San Francisco. Je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Thierry Leluron nous a quittés prématurément en 86, à même pas 35 ans, la même année que son ami Coluche. Il avait connu un succès colossal dans les années 70 et 80 avec ses célèbres imitations. Il avait été très connu dès ses 18 ans, en 70, en participant au jeu de la chance à la télévision française avec sa fameuse imitation du premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas. Par la suite, Thierry, qui était devenu très à l'aise financièrement, menait un train de vie très luxueux et une vie mondaine plus qu'intense. Il avait toujours réussi à cacher son homosexualité et il n'a pas désiré que son public le sache, même après sa mort, qu'il avait succombé au sida. En fait, Thierry Leluron aurait voulu non pas être imitateur, mais chanteur. Son ami Charles Aznavour lui a permis de réaliser son rêve en lui offrant une chanson qu'il avait composée en 76, mais qu'il n'avait jamais enregistré lui-même. Cette chanson intitulée « Nous nous reverrons un jour ou l'autre », Thierry l'a enregistrée en 81, et désormais Charles Aznavour la chante très souvent à la fin de ses propres concerts pour rendre hommage à son ami disparu si jeune. Voici donc « Nous nous reverrons un jour ou l'autre » par le regretté Thierry Leluron, avec sa vraie voix pour une fois. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute. À Noël ou à la Pentecôte, on l'a connu comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. si Dieu le veut. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le Les Beatles se sont formés à Liverpool en 60, et en seulement 10 ans d'existence, seulement 8 ans de discographie, je dis bien, de 62 à 70, ils ont révolutionné la chanson mondiale avec leurs 12 albums et les 200 chansons qu'ils ont écrites. On a calculé qu'ils avaient vendu entre 1 milliard et 2 milliards de disques à travers le monde depuis qu'ils enregistrent, c'est-à-dire depuis 62, ce qui est jamais vu, hein. Deux des membres des Beatles ont déjà quitté, comme chacun le sait. John Lennon assassiné en 80 par un déséquilibré, alors qu'il n'avait que 40 ans. Et George Harrison mort d'un cancer du poumon en 2001 à seulement 58 ans. Paul McCartney a aujourd'hui 75 ans et Ringo Starr 77 ans. Free as a Bird est une chanson des Beatles enregistrée et publiée après la mort de son auteur originel, John Lennon. Elle est parue en single en décembre de 95 et elle fait partie de la promotion de la compilation Anthology One, sortie par les trois survivants du groupe de cette époque, qui ont apposé leurs touches en complétant l'arrangement et en ajoutant quelques paroles pour que le groupe soit en apparence de nouveau réuni au complet. Voici donc Free as a Bird, une chanson posthume de John Lennon par les Beatles en 95. Patrick Bruel a aujourd'hui 58 ans. Il est né à Tlemcen en Algérie de parents juifs berbères, issu d'une famille qui était devenue française en Algérie depuis le décret de 1870. Hein. Ses parents, tous deux enseignants, divorcent en 1960. Hein. Il n'a alors que 2 ans. Il est élevé par sa mère qui se remarie et lui donne donc deux demi-frères. Il est aussi le cousin germain de l'humoriste Elie Semoun, hein, Patrick Bruel. En 62, il vit l'exode des Pieds Noirs vers la France, mais il est encore trop jeune pour s'en souvenir, hein, car il n'a encore que 4 ans. Même pas. Très jeune à Paris, il découvre Brassens, Gainsbourg et Brel, et c'est pour lui qu'il prend le pseudonyme de Bruel, parce qu'il admirait beaucoup Brel. Son beau-père lui fait de découvrir le poker alors qu'il n'a que 12 ans. Patrick Bruel est aujourd'hui un joueur de poker mondialement célèbre. Il connaît des débuts artistiques assez faciles en tant qu'acteur, puisque dès ses 19 ans, il obtient un joli second rôle dans le film de Coup de Sirocco d'Alexandre Arcadi, avec Roger Hanin. Mais en ne se jugeant pas prêt, il part passer une année aux États-Unis. Hein. En fait, son vrai rêve, c'est de devenir chanteur à lui. Hein. Son premier album paraît seulement en 1982, et il s'intitule « Vide ». Et en fait, c'est un bide. Du coup, il retourne à Paris faire l'acteur chez Alexandre Arcadi, qui lui donne un beau rôle dans le Grand Carnaval, toujours avec Roger Hanin. En 84, il obtient enfin son premier tube en tant que chanteur. C'est « Marre de cette nana ». Sa carrière est alors lancée et la Bruel Mania peut commencer. Hein. Aujourd'hui, donc, c'est un titre datant de 2006 que je vous ose écouter, là, tout de suite, sur RQC. La chanson a pour titre « Je m'attendais pas à toi ». Je parlais de l'amour comme on parle du temps, sans l'avoir vu au jour, sans le connaître vraiment. J'y pensais comme on rêve, j'en rêvais sans y croire, entre ces cœurs en grève et ces histoires pour voir. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi dans ce rôle-là. Je m'attendais pas à lire autre chose que mon livre, je m'attendais pas à vivre au-dessus de mes lignes. Dans cette foule de gens seuls, toutes ces vies qui se frôlent, tous ces corps qui s'en veulent, m'attendais pas à toi. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à moi. Dans ce rôle-là, je m'attendais pas à lire autre chose que mon lit. Dans les fêtes et ton rire qui rougit, si forte d'être fragile, tes peurs après la nuit, les princesses que j'ai lues étaient moins farfelues. Je m'attendais pas à toi, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à moi. Dans ce rôle-là, je courais sans lanterne vers une aube qui s'enfuit aux endroits où l'on s'aime. Il ne fait jamais nuit. Je m'attendais pas à toi. Je m'attendais pas à moi. Dans ce rôle-là, de mes rêves à ma vie, croustillante de dentelle, riz de neuf, nouveau lit. J'ai posé mille questions à mon cœur, à ma tête. J'ai planté le vieux garçon au milieu de ces peut-être. Tous ces jours plus pareils, tous ces matins parfaits, où tes yeux me réveillent dans un rire, un secret. Je m'attendais pas à ça. Mesdames et messieurs, Patrick Bruel. Merci. Nat King Cole était un grand chanteur et pianiste de jazz et de rhythm and blues. Il était né en 1919 et il est mort à seulement 45 ans en 1965. Il est considéré comme l'un des plus grands crooners des années 50. Il a connu le succès à 26 ans en 1945. Très concerné par la situation faite aux Noirs aux USA, il espère beaucoup de l'élection de John Fitzgerald Kennedy en 61. Et Il Johnston est là, tout comme Frank Sinatra, lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président. Nat King Cole et Kennedy deviennent même des amis et le président consulte souvent le chanteur à propos des mouvements des droits civiques aux États-Unis. Cole est très affecté par l'assassinat de Kennedy en 63. Il lui survivra seulement deux petites années et succombera aussi à un cancer du poumon en 65. La fille de Nat King Cole, Natalie Cole, a fait elle aussi une belle carrière dans la chanson américaine. Aujourd'hui, c'est un titre datant de 57 que je vous propose d'écouter. Ça s'intitule All Around the World. Je vous laisse pour 2 minutes 30 en compagnie de Nat King Cole. Around the world, I've searched for you. I travel on when hope was gone to keep a rendezvous. I knew somewhere, sometime, somehow, you'd look at me and I would see the smile you're smiling now. It might have been in County Down or in New York, in Gay Paris, or even London town. No more will I go around the world, for I have found my world in you. Thank you. might have been in Countdown or in New York, in Gay Harry, or even London town. No more will I go all around the world, for I have found my world in Après le crooner américain Nat King Cole, on passe maintenant à l'un des seuls crooners français des années yéyé, avec aussi François de Gaulle. Hein. Il s'agit de Lucky Blondeau, Gérard Blondiot de son vrai nom. Lucky Blondeau qui a 73 ans aujourd'hui. Sa voix de velours lui a permis d'avoir un beau succès pendant les années 60, années durant lesquelles il a plusieurs grands tubes. Pendant les 70s, il sera l'un des premiers chanteurs français à enregistrer un album à Nashville, un album qui n'aura hélas pour lui qu'un succès, disons, très confidentiel. Hein. Ensuite, Lucky Blondeau se reconvertira dans la publicité. Caprice des dieux, c'était lui ça. Et aussi, chez Casto, il y a tout ce qu'il faut, outils et matériaux. C'était aussi du Lucky Blondeau ça. Aujourd'hui, c'est le Lucky Blondeau chanteur qu'on va écouter. Il nous interprète l'adaptation qu'il avait faite en français en 64 d'une célèbre chanson des Beatles. Ça s'intitule « J'ai un secret à te dire ». Écoute, j'ai un secret à te dire, surtout garde-le pour toi. Écoute, mon cœur brûle de te le dire, son désir est d'être à toi, car tu l'as rendu fou. Écoute, ce que mon cœur te murmure, c'est la plus douce aventure, gardons-la entre nous. Ce doux secret, je te l'avoue, garde-le bien, j'en suis jaloux. Ah, le doute ne doit pas être un problème, tout est simple quand on s'aime, et le temps est pour nous. Ce doux secret, je te l'avoue, garde-le bien, j'en suis jaloux. Écoute, j'ai un secret à te dire, surtout garde-le pour toi. Écoute, cache-le à tout le monde, et qu'il ne s'envole pas, c'est un secret à nous. Voilà, le 10e patchwork de cette saison 2017-2018 est maintenant terminé. Et c'est donc avec Lucky Blondeau que nous nous quittons aujourd'hui. J'espère que ma programmation vous a plu et que je vous retrouverai fidèle au poste mardi prochain, dès 9h du matin, pour un nouveau patchwork en chanson. Je vous rappelle que comme chaque mardi matin de 9h à 11h30, c'est votre ami Michel qui vous tenait compagnie sur RQC. RQC, la dernière radio libre de la région de Moucron. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une très belle semaine à venir et je vous laisse avec la jolie musique du film japonais L'été de Kikujiro et ensuite avec la musique d'Hector, notre fidèle ordinateur qui lui n'est jamais fatigué. Ciao à tous et à toutes et à la semaine prochaine. Thank you.